Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes en ce vendredi, nous allons débuter le chapitre 10 de l'Évangile de Marc. Notre bon Père du ciel, plus je lis les Écritures, plus je m'aperçois à quel point les pensées de Dieu sont différentes des pensées des êtres humains. Plus je m'aperçois que la vérité se trouve en toi, et le mensonge dans l'homme. C'est pour ça, Seigneur, que nous avons tellement besoin de se tourner vers toi pour que tu nous instruises. Et c'est notre désir encore ce matin que tu nous instruises, que ton esprit nous aide à comprendre l'enseignement que nous allons lire dans ta parole ce matin. Dirige-nous. Amen. Ce que nous allons entreprendre ce matin, c'est la dernière étape du ministère de Jésus. Jésus va quitter la Galilée, ou le nord de la Galilée, il va quitter Tyr, Sidon, Bethsaïda, la Décapole, Capernaum, il quitte cela, et il s'en va vers Jérusalem pour mourir. Il ne va pas retourner, dans l'Évangile de Marc, il ne va pas retourner vers Capernaum. Il quitte pour se rendre dans la Judée, au-delà du Jourdain. Donc, il descend vers Jérusalem. Il ne sera pas arrivé ce matin, mais il est en descente vers Jérusalem. Il n'y a pas toujours des villes, des dates qui sont marquées. Mais on va voir que là, ça, on va voir Jéricho. Donc, il est en bas. Il est dans le coin du Jourdain, dans le coin de la Judée. Il est proche. Mais il n'est pas rendu à Jérusalem. Il va passer par Jéricho pour guérir un aveugle, un peu plus loin dans notre chapitre. Donc, après ça, il va aller à Jérusalem. Ce matin, Jésus va parler avec des pharisiens au sujet du divorce et du mariage. Nous allons lire, pour nous mettre dans notre texte, chapitre 10, versets 1 jusqu'à 12. Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et, pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?»« Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. » Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare pas ce que Dieu a joint. » Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse un autre, commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère à son égard. » Donc Jésus, pendant qu'il se déplace vers Jérusalem où il va être crucifié, il s'arrête à différents endroits et les foules s'assemblent tout le temps. Et à chaque fois qu'une foule s'assemble, Jésus en profite pour enseigner. Si Jésus, son désir premier, sa priorité, comme on a vu à plusieurs reprises, c'est d'enseigner les foules, est-ce que c'est encore sa priorité aujourd'hui? Ben oui. Jésus, sa priorité encore aujourd'hui, c'est d'enseigner. C'est sûr qu'il va enseigner son Église, ses enfants, par les Écritures. Il veut enseigner. Et c'est pour ça qu'il a donné à l'Église des enseignants, pour instruire l'Église de sa personne, de la personne de son Père, de son plan, de son royaume. Et il utilise l'Église pour enseigner dans le monde. Donc, quand nous rencontrons des non-croyants, on les enseigne. On les enseigne. L'enseignement, c'est la priorité. On les enseigne avant de vouloir leur faire du bien matériellement et physiquement, ou en même temps, du moins, ou dans les mêmes séquences. Oui, je ne suis pas contre qu'on donne un plat de soupe à quelqu'un, mais on ne peut pas donner juste de la soupe, parce qu'ils ne vont jamais être connaissants pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, si je fais du bien à quelqu'un, c'est bien, mais je dois aussi avoir comme but l'enseignement. L'enseignement. Et pendant qu'il est là, les pharisiens l'abordent et lui posent une question. Et lui, pour l'éprouver, pour le piéger, ils veulent encore une fois le détruire, le piéger, le discréditer, amener la foule à le rejeter, amener les Romains à le faire mourir. Ils ont juste un but, eux autres, dans leur question, c'est le piéger. Et lui demanda, est-il permis à un homme de répudier sa femme? Je me suis dit à moi-même, ouais, la question du divorce et du mariage, c'est une question très contextuelle à nous, mais aussi très contextuelle au temps de Jésus. Pour moi, il va y avoir un paquet d'idées, là, parmi les Juifs, sur le divorce et le remariage, et l'adultère et tout ça, comme c'est le cas aujourd'hui. Je sais, frères et sœurs, je sais que dans nos églises, il y a différentes opinions, différentes compréhensions, différentes interprétations du mariage et du divorce et du remariage. Mais essayons de comprendre le texte juste ici, juste le texte-là qu'on a ce matin. On ne dira pas tout ce qu'il y a à dire sur le mariage, le divorce et le remariage avec ce petit texte-là. Mais il y a un principe ici qui est donné, qui est valable, qui est absolu. OK? Il y a un principe ici qu'il faut emmagasiner si on veut avoir une perspective juste de l'ensemble de l'enseignement sur le mariage, le divorce et le remariage. Donc, on prend tous les principes dans tous les textes, on les met ensemble et on se fait une idée globale de ce que Jésus a enseigné par rapport à cela. Ici, il lui demande, est-il permis à un homme de répudier sa femme, de la rejeter, de la repousser, on dirait nous, de la divorcer. Le mot va revenir un peu plus loin dans le verset 4. Jésus ne répond pas, comme c'était sa coutume bien souvent, il pose la question. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Que vous a dit Moïse? Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier la femme ou sa femme. Jésus ne dit pas non, Moïse n'a pas dit ça. Il ne dit pas, Moïse n'avait pas raison. Il ne dit pas, Moïse n'aurait pas dû faire ça. C'est pas Dieu qui voulait ça, c'est Moïse. Il n'a pas répondu ça. Il dit au verset 5, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Donc, Moïse, peu importe comment est-ce qu'il est venu à la décision de dire cela au peuple d'Israël, il dit, si Moïse vous a donné ce précepte-là, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Donc, je dois conclure, s'il n'y avait pas de dureté de votre cœur, Moïse n'aurait pas donné ce précepte-là, parce qu'il n'aurait pas eu de répudiation. Il n'y aurait pas eu de rejet de la femme et de l'homme, parce que tout à l'heure, on va voir qu'il va donner les deux au verset 11 et 12. L'homme et la femme sont dans le même bateau. Il dit, c'est à cause de votre cœur dur que vous en venez là, que vous faites cela, que vous venez à répudier vos femmes, que vous venez à faire le divorce. C'est à cause de votre cœur dur. Il dit, parce qu'au début, il n'en était pas ainsi. Au commencement, qu'est-ce que Dieu a fait dans la création? Donc, selon Jésus ici, le monde a commencé par une création, pas par une évolution, pas par une explosion, mais par une création. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a fait l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme et la femme. Il n'y a pas lancé ça au hasard, mis des particules dans la planète, puis laissé évoluer ça pour que ça finisse par faire un homme et une femme. Il a créé l'homme et la femme. Il crée C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc, au commencement, Dieu a créé un homme et une femme, il les a mis ensemble, il leur a dit, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme et tu deviendras une seule chair. Devenir une seule chair, ça, c'est pas d'aimer les mêmes couleurs. OK? Je crois qu'il parle ici de venir avoir des relations sexuelles. Tu deviens une seule chair à ce moment-là. Je crois. Je crois. C'est ça que c'est, le texte est en train de dire. Il dit que l'homme, donc, ne se sépare pas de ce que Dieu a joint. Ils ont une union ici. Ils sont plus deux. Ils vont devenir un. Ils vont devenir une seule chair. C'est ça l'entité familiale. Un homme, une femme, ils vont devenir une seule chair. Et en devenant une seule chair, ils sont unis, ils sont un. Parce que la Bible nous enseigne que les relations sexuelles sont défendues en dehors du mariage. Donc quand un homme prenait femme et qu'une femme prenait homme, il devenait une seule chair. Et là, il devenait une entité. Ça ne veut pas dire que je vais aimer les mêmes couleurs, les mêmes musiques, puis les mêmes maisons, puis je vais tout penser comme ma femme va tout penser comme moi. C'est pas ce qu'on parle ici. Ils vont donner une unité familiale. Et là, Jésus dit au verset 9, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dieu joint un homme et une femme. Après qu'il est quitté par les mères, ils deviennent une seule chair, ce que Dieu a joint, l'homme ne peut pas le séparer. Si l'homme le sépare, c'est parce qu'il a le cœur dur. Et à cause qu'il a le cœur dur, il y a toutes sortes de problèmes qui vont surgir, toutes sortes de difficultés qui vont surgir. Il va avoir toutes sortes de problèmes dans le couple à cause du cœur dur de l'homme et de la femme. Donc, Jésus répond à la question des pharisiens, puis il leur dit quoi? N-O-N, non. Est-ce qu'un homme peut répudier sa femme? La réponse de Jésus, c'est non. Tu ne peux pas répudier ta femme. Restons dans le texte ici. Je sais qu'il y a d'autres textes qui vous viennent à l'esprit, mais dans notre texte ici, Jésus dit non. Tu ne peux pas répudier ta femme. Ou ton mari. Tu ne peux pas. Si tu vois ça, tu fais ça, tu vas contre Dieu. Tu vas contre ce que Dieu a fait. Dieu a uni un homme et une femme. Dieu en a fait une seule chair. Et toi, tu vas contre le plan de Dieu. Donc, c'est péché, c'est mal. Tu ne dois pas répudier ta femme. Tu ne dois pas répudier ton mari. Et là, quand ils sont à part, dans la maison, les disciples interrogent Jésus sur cela. Parce que ça les trouble, ça, ils ne comprennent pas, là. Et au verset 11, Jésus dit ceci. « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse un autre commet un adultère. » Puis il dit, « Une femme qui répudie son mari et qui en épouse un autre commet un adultère. » Donc, quiconque répudie sa femme ou son mari n'est pas un adultère. C'est mal, mais n'est pas un adultère. C'est en se remariant qu'il devient un adultère. Je me sépare de ma femme et j'en prends un autre, j'en épouse un autre et je deviens un adultère en me mariant. C'est pour ça que j'ai mis comme titre adultère en se mariant. Celui qui a quitté son homme ou sa femme parce que le cœur est endurci et qui en épouse un autre devient un adultère en épousant un autre. Ça, c'est un principe général absolu. Jésus va mettre des exceptions ailleurs. Oui, je sais ça. Mais règle générale, si je pars dans la vie avec le principe « Dieu m'a créé, je suis une créature de Dieu, Mon conjoint est une créature de Dieu. Dieu dit que je dois quitter mon père et ma mère et je dois m'attacher à ma femme et en m'attachant à ma femme, je deviens une seule chair avec ma femme et Dieu m'unit. C'est lui qui fait l'union. C'est pas le prêtre qui fait l'union, c'est pas le pasteur qui fait l'union, c'est lui. Dieu a joint un homme et une femme ensemble. C'est pas la cérémonie qui unit. C'est Dieu qui unit l'homme et la femme. L'homme et la femme, en quittant père et mère, en commençant une unité familiale, et en consommant, je devrais dire, le mariage, par un acte charnel ou sexuel, consomment le mariage. Ils sont unis pour la vie. Et Dieu dit, si tu quittes cette femme-là, ou si tu quittes cet homme-là, et tu en épouses un autre, tu deviens un adultère. Plusieurs d'entre vous, peut-être, qui écoutez, avez vécu ça. Peut-être que vous avez vécu ça. Peut-être que vous avez vécu ça avant d'être croyant. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On reconnaît. On reconnaît devant Dieu, j'ai péché. J'ai péché. J'ai brisé ce que tu avais uni. J'avais un cœur dur, et à cause de mon cœur dur, j'ai... Répudier mon épouse, répudier mon mari, et je me suis marié avec un autre, je suis devenu adultère. Ce que la Bible nous dit, reconnais-le, c'est péché. Et en Jésus-Christ, ce péché peut être pardonné comme les autres péchés peuvent être pardonnés. Et maintenant que tu le sais, ne le fais plus. Ne le fais plus. Ne le fais plus par la grâce de Dieu. Si tu le fais en tant que chrétien et que tu vois bien maintenant que tu as fait une erreur, tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû. C'est mon cœur endurci. C'est le cœur endurci de mon conjoint et le mien qui a fait qu'on a eu un problème et que finalement on s'est séparé, on s'est divorcé. Et j'en ai épousé un autre. J'ai commis un adultère. En épousant un autre. Si tu es resté tout seul, tu n'as pas commis un adultère. Mais c'est pas bien d'avoir brisé l'unité familiale. C'est pas plus bien, là. Tu as péché en te séparant parce que tu as désuni ce que Dieu avait uni. C'est péché aussi. Mais en te remariant, tu fais un autre péché. Tu deviens un adultère. Le mariage, selon Dieu, selon le standard de Dieu, c'est un homme, une femme pour la vie, jusqu'à temps que la mort nous sépare. Si on n'avait pas le cœur dur, tout le monde ferait ça. Tout le monde ferait ça. Ceci va causer, encore une fois, des problèmes avec les pharisiens, avec les autorités. Parce qu'eux autres croyaient qu'ils avaient le droit de répudier leur femme pour toutes sortes de raisons. Et ils croyaient qu'ils avaient le droit de se remarier. Et que c'était correct. Jésus vient de leur couper l'arbre sous le pied. Il dit, en quittant votre femme, c'est une preuve. Ou en quittant votre mari, c'est une preuve d'un cœur endurci. Et en vous mariant, vous avez commis un adultère. Notre Père du ciel, quasiment la moitié de la population du Québec est touchée par cette vérité. Parce qu'on nous dit qu'une sur deux se sépare et se remarie, ou s'accote, comme on dit. Ô Seigneur, donne la grâce à chacun de tout simplement reconnaître le péché qui a été fait et de croire par la foi que ce péché-là est aussi pardonné comme tous les autres. Donne l'humilité à chacun, homme et femme, d'avouer « c'est parce que j'avais le cœur endurci que c'est arrivé, que j'ai brisé ce que Dieu avait joint. c'est parce que j'ai un cœur endurci, que je me remarie et que je suis un adultère. Oh Seigneur, les choses étaient simples. C'est pas compliqué. Donne à chacun d'accepter ta volonté et de vivre pour ceux qui sont entre nous, qui sommes des conjoints depuis longtemps ou depuis quelque temps, qu'on peut se prendre comme décision. La répudiation ou le divorce n'est pas la solution que tu veux. N'est pas la solution que tu veux. Quand ça ne va pas bien dans un couple, il faut persévérer et régler notre problème. Selon les principes de Dieu. Comme des gens qui n'ont plus le cœur endurci. Au nom de Jésus.